C'est la chronique du repêchage avec notre ami Wallet. On sait que le repêchage de la NFL aura lieu demain. Repêchage spécial, puisque ça va être évidemment, ça va fonctionner de façon virtuelle. On en parle avec Wallet. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, il restait, tu vas être là demain pour évidemment parler de ton mock draft que tu as publié sur le blitznfl.com. Vendredi, tu vas être là pour la première ronde et lundi, tu vas être là également pour l'analyse du repêchage. Donc, on va y aller avec, d'abord, on va y aller avec ce que les maraudeurs aujourd'hui. Tu as fait ton analyse et tu y vas avec Xavier McKinney d'Alabama comme étant le premier choix. Oui, Xavier McKinney, là, qui, c'est quand même intéressant, il a remplacé Minka Fitzpatrick du côté du Crimson Tide d'Alabama, puis il y a beaucoup de repêchages simulés ou de mock-draft qu'on voit, là, on voit les Dolphins repêcher McKinney qui, eux, ont échangé Fitzpatrick cette année, donc c'est un peu ironique tout ça, mais McKinney, là, il a une excellente technique, c'est un joueur qui fait rien de vraiment spécial, mais qui est bon dans tout. Il est intelligent sur le terrain, il a un bon instinct lorsqu'il vient de capter le ballon, il est sur environ tous les jeux importants défensifs. Lorsque je le vois, surtout porter l'uniforme d'Alabama, il me rappelle étrangement Haha Clinton Dix, qui avait connu un certain succès avec l'équipe avant d'être pêché par les Packers de Green Bay. Donc, un joueur similaire, un joueur qui n'en fait pas trop, mais qui fait un bon travail et qui va être efficace, selon moi, là, pour les 7 à 10 prochaines saisons dans la NFL. OK. Tu y vas avec ton deuxième choix, tu y vas avec Grant Delpits de LSU. Oui, Grant Delpits, avant le début de la saison, j'avais fait un top 50 des espoirs à suivre en fonction du repêchage. Puis Grant Delpits, je le classais premier. Puis j'ai eu la chance de regarder beaucoup de matchs de LSU cette saison. Puis match après match, Delpits me décevait principalement à cause de sa technique de plaqué. Il manquait beaucoup de plaqué facile. Probablement son point le plus faible. Ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai lu sur l'Internet, c'est qu'il a joué la saison complète avec une blessure à l'épaule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a aggravé sa blessure? Est-ce qu'il est en santé? Pour toutes ces raisons-là, je dois le classer un petit peu plus loin que j'aurais aimé le voir. C'est un jeu que je vois potentiellement dans mon top 30 et non dans un top 10. Okay. Mais si Grant Delpit peut revenir en santé, c'est un joueur excellent. Un joueur qui me rappelle un peu Kenny Vaccaro là, des belles années avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, deux joueurs qui pourraient potentiellement sortir en première ronde. S'il y a une carte cachée à cette position-là, je rajouterais peut-être Ashton Davis. Ouais, le maraudeur de la Californie, effectivement. Il y a beaucoup d'analystes là, qui commencent à le placer deuxième, même premier dans leur liste. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il descend, c'est ses blessures. Puis, beaucoup d'équipes n'ont pas les tests médicaux qu'ils auraient aimé voir, étant donné que les joueurs doivent se déplacer, aller voir un médecin indépendant. Et les joueurs envoient à chaque équipe les résultats médicaux. Donc, certaines équipes n'aiment pas trop ça, aimeraient ça avoir leur propre docteur. Donc, ce qui va chuter, ou il y a une équipe qui va se risquer de le repêcher en première ronde, je vous invite à aller voir mon mock draft qu'on va discuter demain pour répondre à la question, selon moi. OK. C'est à suivre. Ça va commencer demain. Y a-t-il d'autres joueurs qui pourraient surveiller peut-être dans cette ronde-là? Pas au niveau des maraudeurs, je pense qu'on va être chanceux si on en a deux. Moi, j'ai l'impression que Grant Delpit va chuter. Puis il y a une équipe qui va être extrêmement chanceuse de repêcher un joueur aussi talentueux que Delpit en deuxième ronde. OK. Donc, maintenant, on va y aller avec LSU. Les joueurs de ligne, tu y vas avec un joueur de LSU comme premier choix, Lloyd Cushenberry, un gars de 6 pieds 3, 312 livres. Oui, dans le fond, on avait parlé un peu des joueurs de ligne offensive la semaine dernière avec les tackles. Là, on s'attaque un peu au centre de la ligne. Effectivement, là, Lloyd Cushenberry, là, qui est vu par plusieurs comme le joueur le plus talentueux, le plus près de jouer dans la NFL. Ce qui est intéressant avec Cushenberry, c'est qu'il est en mesure d'évoluer comme partant au poste de garde, aussi au poste de centre. Je pense que c'est une belle versatilité pour lui. Moi, un joueur que j'adore, puis c'est un joueur qui, malheureusement, n'a pas vu beaucoup dans les dernières années, c'est Nathani Muti avec Fresno State. En 2017, à son année recrue, a quand même une saison exceptionnelle. Il a joué près de 1000 jeux, Son évaluation faite par les différents dépisteurs était incroyable. Malheureusement, en 2018-2019, plusieurs blessures qui l'ont extrêmement ralenti. C'est un risque à prendre, repêcher un joueur comme ça. Mais moi, il me rappelle un peu le Will Hernandez des Giants de New York. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Il avait été repêché il y a de ça, environ 2 ou 3 ans. Sorti d'un petit collège, l'université de El Paso, au Texas. C'est un joueur qui avait eu des blessures aussi. Mais 2 joueurs extrêmement agressifs, 2 joueurs qui peuvent ouvrir le jeu au sol. Moi, c'est vraiment ces joueurs-là qui m'intéressent. Sinon, d'autres joueurs, il y a Tyler Biadasz, qui est un centre avec Wisconsin. Même son clash pour lui, là, je pense que si tu es capable de repêcher un centre que tu peux mettre dans ton alignement dès la semaine 1 dans la NFL, ben tu gagnes entre guillemets le repêchage, parce que c'est des joueurs qui sont importants, c'est des joueurs qui sont pas de glamour, mais moi je suis peut-être de la vieille école. Je continue de penser là, qu'il y a une bonne attaque offensive, une bonne attaque au sol ou aérienne, ça se bâtit avec une ligne, surtout à l'intérieur de la ligne, avec les gardes et les centres. OK, on va y aller maintenant avec les autres positions qui restaient, peut-être en terminant. Ouais, mais écoute, on n'a pas parlé des maraudeurs, là, puis je pense que Ouais. les maraudeurs, c'est une position qui est intéressante, là. Vite comme ça, là, je fais juste de penser à Isaiah Simmons de Clemson. C'est OK. un joueur qui, je ne sais même pas dans quelle catégorie le classer, juste te donner une idée, là. En 2019, il a joué 289 jeux OK. comme linebackers, 262 comme slot corner, 132 comme safety, puis 166 comme edge rusher. Le gars, il est capable de jouer un peu partout. C'est vraiment dur de le comparer à qui que ce soit. Des comparaisons que j'ai vues, c'est Darius Leonard là, qui joue avec les Colts d'Indianapolis. Un joueur qui va être vraiment versatile, ça va être intéressant à suivre parce qu'on ne sait pas trop comment il va être utilisé. J'espère qu'il va être utilisé vraiment à toutes les sauces pour nous montrer à quel point il est talentueux, puis qu'il va être un joueur d'impact dans la NFL pour plusieurs saisons. OK, donc on va surveiller ça de tête à tête. Hey Wallet, en terminant, je veux te parler de. On entend parler de la NFL, mais on n'entend pas parler de la NCAA. Il y a quoi? Y a-t-il des projets pour l'automne? Est-ce que ça va démarrer comme d'habitude? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus, là? Ben moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a plusieurs options sur la table. Pour l'instant, il y a le problème principal, la différence entre la NCAA et la NFL, c'est que la NFL, eux, ils n'ont pas d'association quelconque avec une université, un campus. Donc, qu'est-ce que les dirigeants de la NCAA disent? C'est que c'est bien beau vouloir avoir du football, mais si les étudiants sont pas admis sur le campus, de Ouais. prendre ça pour pratiquer, comment tu fais pour avoir ton équipe? Tandis que la NFL, eux, peuvent être à l'extérieur. Exemple, on va prendre l'exemple des Patriotes. Ben, au lieu de pratiquer à leur stade habituel, à leur place de pratique, ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent diviser l'offensive qui va à un terrain et la défensive qui va sur l'autre terrain. Tandis que dans la NCAA, tu n'as pas ce luxe-là. Donc, ça va vraiment dépendre si les écoles ouvrent. De ce que j'entends, il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que ça devrait réouvrir comme prévu au courant de l'été. Puis, pour ce qui est des matchs du college football, ben, si les écoles ont à réouvrir, ça va se faire comme normalement. Sinon, on parle déjà de faire seulement une saison où est-ce que les équipes de chaque conférence s'affrontent. Donc, OK, on donc tu n'aura plus couperais de moins de matchs matchs, OK. intra. Tu couperais Oui, moins. probablement une saison à 9 ou 10 matchs par OK. équipe. Ou l'autre option que j'ai entendue, c'est que la saison commencerait au printemps, ce qui Hein? serait assez intéressant. De voir, surtout avec le repêchage de la NFL, est-ce qu'on repousserait le repêchage de la NFL? Puis tu mélanges ça avec la saison de basketball qui bat son plein. La saison de baseball aussi, la saison de baseball, parce que là, hein? Ouais, la saison de baseball qui serait en train de justement battre son plein. Je me rappelle bien, là, les séries mondiales de baseball, c'est au mois de mai. Donc, ça va être intéressant à suivre. Comme je te dis, il y a plusieurs options sur la table pour l'instant. C'est ce que moi j'ai entendu, j'ai lu, puis ça vient de chroniqueurs renommés qui, eux, ont parlé avec les dirigeants, exemple de la SEC ou de la Big Ten, de OK. la Big 12. Donc, c'est vraiment sur la glace pour l'instant. Moi, de ce que je peux lire, c'est on prépare la saison comme si elle va avoir lieu normalement. Ouais. Veux pas, on est au mois d'avril, puis il reste encore un bon Ouais. 4 mois avant ça. Mais est-ce que ça va négliger la qualité du spectacle? On ne sera pas de cachette, le lancier. La semaine 1 ou 2, c'est pas comme la NFL. Les gars, ils n'ont pas eu le Non. temps de se pratiquer en situation de match. Les joueurs sont tout le temps un petit peu plus rouillés. Donc, Ben, le moi, match j'espère. printemps, tu sais, il y a toujours un match spring blanc contre sais, au Peu printemps, là. importe la couleur. Ouais. Bon, Puis le là, il n'y a pas Spring ça Game qui cette année, appelle. là. Tu sais, hein? Non, parce que les campus sont fermés. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est simple. Les équipes font venir plein de joueurs sur leur campus, dont des joueurs qui sont invités, qui n'ont pas de bourse pour aller à cette école-là. Puis on divise l'équipe en deux. Donc, si tu es les Buckeyes d'Ohio State, ben, tu as l'équipe en rouge, puis tu as l'équipe qui Ouais. va être en blanc ou en argent. Puis c'est vraiment, tu divises l'équipe en deux, puis tu joues un contre l'autre. Puis c'est vraiment là qu'on va voir, exemple, des compétitions au poste de corps arrière se gagner ou se perdre. Puis non, il n'y a pas eu ça cette saison, donc ça change un peu la donne pour la préparation. Donc, s'il fallait qu'on ait une saison complète, ça va être intéressant de voir comment que on va se préparer, puis quand que le début de saison va être là. Ouais, OK. Wallet, on se parle demain? Ben oui, c'est sûr. Notre ami Wallet qui nous parlait de la NCAA.